Hi guy, how did you do? Tu m'as dit, tu renifles. Et j'ai dit, je sais. Ouais, je sais, c'est parce que je suis concentrée.